18-11, observation, profession, masculin et féminin. Il est violoniste. Elle est violoniste. C'est une violoniste. Il est pianiste. Elle est pianiste. C'est une pianiste. Il est flûtiste. Elle est flûtiste. C'est une flûtiste. Il est photographe. Elle est photographe. C'est une photographe. Il est cinéaste. Elle est cinéaste. C'est une cinéaste. Il est enseignant. Elle est enseignante. C'est une enseignante. Il est commerçant. Elle est commerçante. C'est une commerçante. Il est avocat. Elle est avocate. C'est une avocate. Il est masseur. Elle est masseuse. C'est une masseuse. Il est peintre. Elle est peintre. C'est une femme peintre. Il est magistrat. Elle est magistrat. C'est une femme magistrat. Il est juge. Elle est juge. C'est une femme juge. Notez que « elle est » peut être suivi de tous les noms de profession à la forme féminine quand il y a une forme féminine différente de la forme masculine. Les choses sont plus compliquées avec « c'est une ». Pour simplifier les choses, vous pouvez éviter « c'est une » et utiliser « elle est ».